Magical Mystery Tour, c'est le voyage que nous avons tous aimé faire et que nous aimons à refaire en compagnie des 6 célèbres Beatles qui ne risquent pas de tomber dans l'anonymat, eux. La compilation des chanteurs inconnus, pour la première fois, que des chanteurs pas connus du tout. Ils ne chantent que 50% de ses chansons préférées, c'est Jean-Michel Amoitié. C'est un beau roman. C'est une romance. Eh bien, le beau roman de cette saison de la panique au Mangin Palace qui s'achève aujourd'hui s'ouvre bien entendu à 11h11 avec la petite session freudienne de Monsieur Divan Beaugelet qui nous offre pour ce 210e épisode de nos modestes péripéties laïques une véritable petite exploration géographique à travers une triste dichotomie du plat pays, puis une frontière sociale détruite et enfin une certaine idée de la France. Alors, en route, maestro, tends bien l'oreille, ainsi soit-il. Cette histoire est tirée de faits réels. En Belgique. C'est pas comme chez toi, mais c'est pas mal quand même, non ? Séisme politique chez nos voisins. Qu'est-ce qu'il y a ? Avec le triomphe des indépendantistes flamands lors des législatives. Mais putain, ça schlingue ! Ce qui se passe en Belgique, c'est quelque chose qui ne se passe pas qu'en Belgique. Dominique Régnier, tu peux y aller ? Professeur à Sciences Po. Tu peux y aller ? Oui, tu peux y aller. Parce qu'il y a aussi une espèce de climat européen, ce phénomène de séparatisme, de repli, de fantasme sur l'idée qu'entre soi, on s'en sortira mieux. Vous n'avez pas connu ça, je suppose ? Pas vraiment. Que ce soit en Flandre, que ce soit... D'une manière générale, dans tous les pays membres de l'Union qui sont aujourd'hui en difficulté, on pointe du doigt ces parties de l'Europe qui sont, entre guillemets, paresseuses. C'est dangereux ce que vous dites là, hein ? Pour dire que l'on leur donne trop d'argent. Bien, je crois que vous avez saisi les grandes lignes. On est juste vraiment dans la merde, nous. Confirmation au plus haut sommet. J'ai l'honneur et l'avantage d'annoncer la venue de notre sage et omnipotent leader, Zoltan. Il n'y a pas d'exception. Mes chers compatriotes, partout dans le monde. Oh putain, mais dans quel monde est-ce que je vais ? La solution, c'est l'augmentation de la durée d'activité. Il n'y a aucune exception. Ah ça, je vois vraiment pas le rapport ! Le gouvernement va donc proposer de relever l'âge légal de départ à la retraite. Il est déterminé à le faire et à le faire de manière juste. Ah, et tu crois que je vais gober ça ? On va y revenir. Juste une petite parenthèse avant de tout à l'heure vous redonner la parole sur l'actualité. Il faut pas te gêner, toi ! Jean-Louis Debré, quelle est votre définition du gaullisme ? Pour moi, cette époque est révolue. Le gaullisme, il n'y a eu de gaullisme qu'avec De Gaulle et ses principaux compagnons. Autre chose ? Après, il y a eu autre chose. Il y a eu un gaullisme pompidolien. Laisse tomber, oublie ça. Il y a eu un gaullisme mitterrandien. Quoi ? Je constate simplement qu'il a parfaitement respecté la constitution de la Ve République et qu'il avait une certaine idée de la France, de la place de la France dans le monde. C'est bon, j'ai rien dit. Il y a eu un gaullisme chiracien. Ça alors ? Vous vous arrêtez là ? Vous vous arrêtez, c'est intéressant, vous vous arrêtez là ? Je n'ai pas l'intention d'intervenir ça sur commence. La vie politique bien sûr, je m'en doutais, actuelle. Mais ça te ferait pas de mal. Et ça m'intéresse pas. Et comment tu peux dire ça ? On ne sait pas si Dominique de Villepin sera candidat à la présidentielle de 2012, mais ça y ressemble beaucoup. Non, point douté ! Samedi, il devrait lancer le premier étage de la fusée en créant un mouvement politique de droite, mais en opposition à Nicolas Sarkozy, donc à l'UMP. Il va rester tout seul, non ? Pas simple. D'ailleurs, l'ancien Premier ministre et ses fidèles auraient subi toutes sortes d'appels, voire de manœuvres, genre... Récupérons les brebis égarées. Alors, Jean-Pierre Grand ne cédera pas aux sirènes présidentielles. Les députés villepinistes ont été invités à l'Élysée, naturellement. Ces gens-là savent bien que si on les invite, c'est pas pour le charme de leur conversation. On leur fait à tous miroiter des postes ministériels. C'est grotesque. Oh, monsieur Sevex. Les villepinistes voient maintenant le mal partout. Surtout quand on voit la bassesse de certaines attaques. Ils ont même prévu un groupe électrogène au cas où on leur couperait le courant en pleine réunion publique. J'ai vu ça dans moins de 10 films. Il va pas oser le faire. Et si, il a osé le faire. Hier, Dominique de Villepin a lancé son propre parti politique, République solidaire, créant ainsi une opposition à président Sarkozy au sein même de la droite. Bon, il faut bien dire que l'affaire se prépare depuis longtemps et Dominique a d'ailleurs su dégoter des soutiens indéfectibles. Politique française, pour finir, c'est cette semaine que Dominique de Villepin va annoncer le nom de son nouveau parti. Vas-y, appelle Sarko. Non, Jacques, c'est trop tôt. Je l'annoncerai samedi prochain. Appelle quand même. D'accord, mais vous ne dites rien. Promis. Oui, l'Élysée, s'il vous plaît. Oui, Nicolas Sarkozy, j'écoute. De Gaulle se raidit. Ses oreilles se dressent, ses narines frémissent, car elles sentent le danger. D'Akeya, j'ai rien dit, hein. Mais que vient donc faire ici la figure de mon général? Eh bien, tu le sais, l'héritage gaulliste est au cœur des rivalités de la droite française. Le grand jeu du moment, c'est de savoir qui est le plus gaullien. Ainsi, président Sarkozy a saisi l'occasion du 70e anniversaire de l'appel du général de Gaulle pour tenter de s'abriter à l'ombre de cette figure tutélaire. Et de son côté, Dominique de Villepin a contacté Michèle Alliot-Marie, fondatrice du Chêne, un mouvement politique qui promeut un gaullisme pur jus. Mais pour plus de discrétion, Dominique de Villepin a proposé à Michèle Alliot-Marie une rencontre en loose day dans un lieu loin de l'univers politique, un petit nightclub parisien, ce qui n'est pas du goût de Michèle. Combien de fois faut-il vous le dire avec style? Je ne veux pas sortir au baron. Non, non, non, non. Et non, Michèle Alliot-Marie ne veut donc pas se passer de président Sarkozy et de son vernis gaulliste. Cependant, toujours un peu curieuse, souviens-toi qu'elle a été ministre de la police, Michèle a bien tenté de soutirer des informations à Dominique de Villepin. Tiens, par exemple, cela ne t'a pas échappé, si l'ancien Premier ministre a choisi le lendemain du 18 juin pour lancer son mouvement, ce n'est pas un hasard. Il souhaite profiter de l'aura nostalgique de l'appel du général de Gaulle pour lancer son propre appel. Et Michèle Alliot-Marie a d'ailleurs donné quelques petits conseils à Dominique pour l'appel du 18 juin, du 19. Tu n'as pas toujours ta langue dans le même sens. Mais attends, mais c'est mon style de pelle. Chacun son style de roulage de pelle. Heureusement que tout le monde n'a pas la même technique. Chacun sa technique. Et t'as embrassé qui déjà? Bah, des autres gens. Des filles, des italiennes. Attends, les autres qui nous mettent là. J'y vais, à demain. Et voilà, le gaulliste Villepin et la gaulliste Alliot-Marie se sont donc encanaillés et surfent tous deux sur l'héritage du général. Dominique de Villepin avec sa République solidaire et Michèle Alliot-Marie avec son chêne. Mais Dominique insiste sans cesse sur un point. Ce bidule politique se doit d'être au-dessus des partis, ce qui a fait immédiatement réagir Michèle Alliot-Marie qui, elle aussi, veut être au-dessus des partis. Mais s'ils sont tous deux au-dessus des partis, ben c'est évident. Je suis le nombril du monde, tu es le nombril du monde, le nombril, la lune aussi est le nombril du monde, la lune aussi est le nombril du monde. Et ces nombrilistes, au-dessus des partis, revendiquent à tour de bras l'héritage gaullien. Pour Dominique de Villepin, un peu seul tout au monde, qui a lancé hier son mouvement politique à Paris, le discours est bien rodé. Il ne faut pas désespérer, on les aura. Il ne faut pas vous arrêter de résister. N'oubliez pas la lettre V. Écrivez-la, chantonnez-la, V. Sur les murs et sur les pavés, faites des V. Mais vous pouvez faire en DV les Doriforts, et sans remords, et sans danger. Vous sifflerez, vous chanterez, V. V, comme Villepin, bien sûr. Pourtant, Dominique a un souci majeur pour réaliser son grand dessein. Il lui faut de la maille. Et comme il ne connaît personne à qui vendre des frégates, Dominique sait déjà que le financement de son mouvement, surtout pour 2012, va être bien compliqué. Il va falloir trouver du fric. Pas facile, beaucoup des nôtres abandonnent et n'y croient plus. Faut dire qu'on a collectionné les échecs. Ce sera le dernier. Qu'est-ce qu'on peut faire? Nous sommes paralysés. Le moindre flic en France connaît notre signalement, ils ont des indicateurs partout. L'ennui, messieurs, c'est qu'avec toutes vos tentatives malheureuses, vous avez sérieusement compromis l'avenir. Mais je ne vous permets pas de... C'est un travail où l'on n'a pas le droit d'être émotif. C'est ça qui vous a fait commettre tant d'erreurs. Eh oui, jouer avec l'émotion, c'est comme compter sur le panache, ça ne suffit pas à dissimuler que le programme politique est le même que celui de son adversaire principal. Alors, à l'instar de François Bayrou, il n'est pas impensable d'imaginer une petite entente entre les rivaux de droite, Villepin-Sarkozy, histoire de ne pas tout perdre dans une compétition féroce. Faut qu'on arrête cette compétition. Mais pourquoi ? Réfléchis. Si on continue, je vais te battre. Il se pointe la gueule en farine, il est très sûr de lui, et il dit, hein, je vais te battre. Tout d'abord, je suis imbattable. Ensuite, quel âge as-tu? Tu as un sacré courage pour y aller avec un tel physique. La taille des poumons n'a rien à voir là-dedans. Non, les poumons n'ont rien à voir là-dedans. Oui, Michel Alliot-Marie est toujours au taquet pour s'époumoner à soutenir son Nicolas de président. Pourtant, tu dois savoir que le joli monde politique de la droite française vit avec excitation le retour en force de la figure du général, sans conteste un héros, par ses choix au moment de la défaite en 1940. Bon, pour la suite, même ceux qui revendiquent son héritage se posent des questions. Tout le monde l'aurait donné à 100 contre 1, flingué à la surprise. Mais cet homme-là, ce qu'il a sauvé, c'est sa psychologie. Tout le monde n'est pas forcément aussi doué. Ça a été une épée, un cadeau. Moi, je suis objectif, on parlera encore de lui dans 100 ans. Seulement, faut bien reconnaître qu'il avait décliné, surtout de la tête. C'est vrai que sur la fin, il disait un peu n'importe quoi. Il avait comme des baffes, des caprices d'enfant. Enfin, toi, t'as sûrement remarqué. Remarqué quoi? T'as quand même pas pris au sérieux cette histoire de succession. Quoi, fallait pas? Ben, j'ai eu tort. Et voilà. C'était pas la peine de s'énerver. Monsieur convient. Il y en a qui abuseraient de la situation, mais c'est pas notre genre. Qu'est-ce qu'on peut faire qui t'obligerait? Des carrés ici. Voilà, c'est moi le patron. Et laisse-nous te dire que tu te prépares des nuits blanches, des migraines, des nervous breakdown, comme on dit de nos jours. I'm a better woman than I have been, 'cause I don't think about way back when. It takes two to love, but only one to leave. It was you who did that dirty deed. I got better things to do, better things to do, better things to do than remember you. I got better things to do, better things to do. Better things, les meilleures choses, c'est ce que nous souhaite pour l'été Miss Sharon Jones. Un été musical, bien sûr. La compilation des chanteurs inconnus, pour la première fois que des chanteurs pas connus du tout. Il n'a jamais su régler son ampli, c'est Jean-Michel Satur. You are the sunshine of my life. That's why I we'll be right back. Alors maintenant, après avoir pris des nouvelles du gaullisme New Age, il est temps, à 11h26, de rejoindre nos curieuses actualités venues du lointain. Avant tout, connais-tu la nouvelle proposition de loi examinée depuis mercredi dernier par l'Assemblée nationale ? Eh bien, afin de lutter contre l'absentéisme scolaire, c'est très simple, on va bientôt supprimer les allocations familiales aux parents désignés démissionnaires. Il y a vraiment un climat tout pourri. D'autant que cette expérience a déjà été tentée aux States et en Angleterre, avec le même résultat statistique et sans appel, ça ne change absolument rien. Et vois-tu, indigné par cette sanction éminemment simpliste, nos joyeux fantômes radiophoniques ont décidé cette semaine de prendre le doux chemin de l'école buissonnière. Ainsi, écoute ce que nous rapporte à ce propos notre Bernard l'Ermite, planqué dans sa boîte d'archives au cœur des sous-sols obscurs et sinueux. Tends bien l'oreille et découvre ici la vie parallèle de l'Institut National de l'Audiovisuel. Des révélations, des hypothèses. Un Bernard l'Ermite. Qui demande la parole ? Cette semaine, à l'INA, on n'avait plus du tout envie de travailler. Alors, on est sortis de nos boîtes et on est allé se promener. Et pour ceux qui hésitaient encore, Jacques Prévert a trouvé les arguments qu'il fallait. Non, c'est pas terrible l'école. On est assis toute la journée, on n'a pas le droit de bouger, on guette les heures et on les écoute sonner. Tout à fait comme les problèmes qu'on me posera un peu plus tard à la leçon d'arithmétique. Un élève entre en classe à 8h30, en sort à 11h30, revient à 1h et s'en va à 4h. Combien de minutes s'est-il ennuyé ? D'abord, on s'est demandé ce qu'on pourrait faire de toute cette liberté. Alors Francis Lemarque a dit qu'il avait une idée. J'avais un ami qui avait 16 ans, lui, il travaillait dans une usine. Il était garçon de course, il poussait une poussette. Et moi, je faisais l'école buissonnière, il m'emmenait dans sa poussette, il la bâchait, puis il m'arrêtait près d'une marchande de 4 saisons. Alors j'avais qu'à sortir la main. Quand elle vendait des oranges, j'en prenais 4 ou 5, et puis après, on allait les manger dans un coin. Mais votre famille vous laissait bagnauder ainsi ? Oh ben, ma famille, ils s'en moquaient, ils étaient obligés. Ils avaient des problèmes très difficiles à résoudre, c'était ceux de la vie quotidienne, parce que c'était un quartier très dur et une vie très dure qu'on menait là-bas. Alors je faisais ce que je voulais, et je jouais sur les terrains vagues. Enfin, vraiment, j'ai eu une enfance très libre. Mais François Truffaut, fort de sa grande expérience, a tenu à nous prévenir de ce qu'on risquait. J'ai passé des nuits dehors, je me suis sauvé chez moi, comme je le montre dans les 400 coups. Alors tout ça m'a amené, à peu près en 46, c'est-à-dire lorsque j'avais 14 ans, à être vraiment ce qu'on appelle un mineur délinquant. Je me suis sauvé de chez moi, j'ai été repris, j'étais au commissariat, j'ai été entraîné dans ces espèces de prisons d'enfants qui étaient pleines à l'époque. Et je me suis trouvé dans un espèce d'engrenage comme ça, assez triste, assez consternant. Et il est bien évident qu'à cette époque de ma vie, j'étais en état de totale révolte contre la société. En tout cas, moi, je fais partie des gens qui ne regrettent rien de leur enfance, qui sont très contents d'être adultes et qui n'ont aucune nostalgie de l'enfance parce que si je m'en souviens, je ne vois que des angoisses, des craintes, de situations où j'étais en faute et où j'avais peur d'être puni. Et je suis très content d'avoir échappé à tout ça. Finalement, on n'a rien trouvé de mieux que de jouer à l'école, mais à notre façon. Monsieur, je voudrais que vous exposiez en quoi consiste exactement la technique Freinet. Eh bien, c'est comme dans la vie. On ne fait rien si on voit que ce qu'on va faire ne va pas servir. Alors qu'on s'est toujours aperçu que les enfants, dès qu'ils voient qu'ils peuvent faire quelque chose qui va servir, quelque chose qui va être utile, quelque chose qui dans la société va être éminent, ils se lancent tout de suite dans ce travail. Vos outils de travail, est-ce que vous pouvez nous les exposer en quelques mots ? Nous sommes allés chercher des outils de travail de la vie, les outils éminents de la vie. D'abord, les bêches, les marteaux, les pointes et les choses qu'on fait avec, parce que c'est cela qui est intéressant. Et puis, les outils alors qui sont vraiment des outils de culture, l'imprimerie, qui a été adapté aux enfants, le magnétophone, actuellement les enfants parlent, la photographie, le cinéma, toutes ces techniques, mais alors toujours pour la création. Nous nous disons que toutes ces techniques sont absolument, nous nous fourvoyons absolument avec toutes ces techniques si nous ne donnons pas cette véritable motivation des enfants qui aiment vivre, qui aiment s'exprimer exactement comme les adultes. Oui, mais parfois, les adultes, Il devrait peut-être s'abstenir d'exprimer certaines idées. Bonjour monsieur, Xavier Darcos a une idée. Ah oui, c'est génial. Il a dit que tous ceux qui auront le bac avec mention auront une médaille. Une médaille ? Ouais, ouais. Ah oui, mais ça c'est une bonne idée ça. Bah, c'est ça super. C'est une bonne idée. Ouais. Parce que le mec, si pendant l'année il a un petit creux, ouais. Et pour le relancer, à quoi il pense ? La médaille. À la médaille, ouais. Et le mec, il a son bac. Il est content, pourquoi ? Parce que qu'est-ce qu'il aura en plus ? La médaille. La médaille, bah ouais. J'ai la médaille, j'ai la médaille. J'ai une médaille et tout. Ah, c'est vraiment, bien. C'est cool. Merci beaucoup, Flora Bernard, pour cette escapade sur ces chemins escarpés, mais salvateurs. D'ailleurs, continuons à nous cacher dans les buissons épineux de nos actualités locales et foutraques, car voici notre décrochage régional, direction le futur de Gros Boule les Bains. Monique est amnésique. Monique. Comment vous appelez-vous, vous ? Jean-Claude. Ça vous va, c'est fou. Imagine maintenant que nous soyons en 2038. Notre petit village semi-rural a totalement disparu, victime d'une urbanisation à outrance suite à de violents bouleversements climatiques. Monique et Jean-Claude, au crépuscule de leur vie, sont deux vieillards qui tentent de survivre dans la misère. Fort heureusement, leur fils Rémi, zonard débrouillard, les aide régulièrement. Chaque soir, il passe les voir et leur offre de quoi subsister. D'ailleurs, Jean-Claude l'appelle désormais Ali Baba, tant il est vrai que parfois, Rémi parvient à leur dégoter des trucs incroyables. Te voilà déjà rentré ? Mais quelle heure est-il ? Ah, du papier. Du papier neuf. Et voilà des crayons. En prime sur la prochaine mission. Activité océanographique silente, rapport général. 2015 à 2019. Deux volumes. Gerbe, l'as-tu trouvé, ça ? Sur un rayon, chez lui. Les seuls livres de référence qu'il avait. Ils te plaisent ? Oh, j'en suis fou. Sais-tu combien de livres ont publié dans ce pays il n'y a pas tellement de temps, quand il y avait du papier, des presses et des machines, du courant et des... Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh, mon Dieu. Oh, une vraie tomate. Oh, c'est pas une belle chose. Du bœuf. Mon Dieu. Comment sommes-nous arrivés là ? Eh bien, c'est très simple. Après avoir si longtemps tergiversé pour finalement échouer dans leur volonté de moraliser le capitalisme outrancier, les hommes politiques ont perdu toute influence face à la tyrannie de l'oseille. Les actionnaires, planqués derrière leur anonymat, ont fini par exploiter et confisquer les ressources naturelles jusqu'à l'épuisement, sans oublier de dézinguer intégralement les acquis sociaux du vieux continent. À tel point, par exemple, que les retraites n'existent plus du tout. Désormais, tu travailles jusqu'à ce que mort s'en suive. Omniprésente, cette pauvreté rassure les riches. Et régulièrement, à Gros Boule les Bains, Jean-Claude voit passer quelques charognards. Ils sont comme cela, des centaines de toutes origines à venir ici chaque jour pour tenter d'obtenir qui de quoi survivre, qui de quoi se réchauffer. Et toi ? Combien tu payes pour filmer la misère ? Je peux travailler, oui. T'appelles ça du travail ? Oh, s'il vous plaît. Et combien on te paye pour filmer les pauvres ? Bon, allez, on dégage. Hé, hey, toi, là, coupe ton bazar, hein. Coupe ton bazar ! Coupe ton bazar, je te dis ! L'émotion, ça se paye. Si tu veux des larmes, tu casques. Moi, j'appelle les flics. Laisse tomber, c'est des furieux, je te dis. J'aime pas qu'on profite de nous. Certes, conscient d'avoir tout perdu dans la guerre de récession, en 2038, Jean-Claude n'en demeure pas moins digne. Il n'empêche qu'il faut trouver quelques astuces pour faire rentrer un peu de thunes, puisque l'idée même d'une pension de retraite a disparu. Ainsi, bien qu'octogénaire et abîmé par l'arthrite, avec Monique, ils sont constamment à l'affût d'opportunités diverses et variées. Oui, pour survivre, Jean-Claude est prêt à tout, y compris à se mettre en danger. Bonjour. J'ai servi de cobaye pour une expérience et je ne me sens pas dans mon assiette. En fait, ils m'ont fait ingurgiter un tas de substances. J'ai eu des hallucinations, j'ai aussi eu d'horribles maux de tête. J'ai très mal aux articulations et... On est bien dans un hôpital ici. En réalité, je ne sais même pas où je suis. Vous pourriez m'aider ? Veuillez... veuillez vous diriger vers la salle des diagnostics sur votre droite et vivez sainement. Oh. Merci. Merci. Évidemment, en 2038, l'hôpital public ressemble à un guichet de banque automatisé où plus aucun soin n'est remboursé. Dépité, Jean-Claude rebrousse chemin et revient se vautrer sur son canapé défraîchi, posé au milieu de sa cabane en tôle, le long d'une voie ferrée désaffectée, puisque la SNCF a elle aussi disparu depuis 2021. Installé chez lui, Jean-Claude mate sa télé pirate avec une fourchette en guise d'antenne. Cet entretien avec le gouverneur Henri Santini vous est offert par Soleil Rouge et Soleil Jaune, végétaux à grande puissance énergétique. Et le tout nouveau et délicieux Soleil Vert, l'aliment miracle au concentré de plancton recueilli dans les mers et océans du monde. En raison même de son immense popularité, Soleil Vert est devenu une denrée rare. N'oubliez pas que c'est mardi le jour de Soleil Vert. Je passe la parole au gouverneur Santini. Oui, en 2038, les interventions télévisées du pouvoir central sont sponsorisées. Et chaque soir, à 20h, ça n'a pas changé, le gouverneur, enfin l'actionnaire général, vient offrir le catéchisme de la nouvelle société avec un grand jeu de télé-réalité qui met en scène des prisonniers politiques. Une question. Comment un homme s'assure-t-il de son pouvoir sur un autre? En le faisant souffrir. C'est exact. L'obéissance est loin de suffire. Le pouvoir, c'est infliger souffrance et humiliation. Autrement, rien n'est vraiment assuré. Le pouvoir, c'est déchirer l'esprit humain et le remodeler sous de nouvelles formes de son choix. Le pouvoir n'est pas un moyen, c'est une fin. Comment nier l'évidence ? En 2038, la politique s'est vidée de toute sa substance. Il n'en reste plus désormais que son squelette le plus effroyable. Mais comment en est-on arrivé là ? S'interroge le jeune Yacine, le petit-fils du Jean-Claude. Eh bien, d'après son grand-père fourbu, tout a basculé en 2017, lorsque Nicolas Sarkozy, après avoir révisé la Constitution, fut élu une troisième fois. Jean-Claude se souvient en effet qu'à l'époque, la crise économique n'avait toujours pas été endiguée. L'économie du pays était laissée à l'abandon. Un immense désert de poussière avait anéanti plusieurs récoltes. Et le film numéro 1 au box-office national s'intitulait « Derche ». Le premier rôle était à l'écran, pendant 90 minutes. L'œuvre fut récompensée aux Oscars cette année-là, y compris pour le meilleur scénario. Les souvenirs du Jean-Claude sont exacts. Cette période fut celle de la médiocrité à tous les étages. Et depuis, rien ne s'est arrangé, tout au contraire, puisqu'à l'école, dorénavant, on interdit d'enseigner le passé. Ce sont des directives strictes et malheur aux récalcitrants. Yacine, par exemple, le petit-fils du Jean-Claude, n'apprend plus l'histoire à l'école. C'est beaucoup trop dangereux aux yeux de l'actionnaire général. Dans notre monde, il n'y aura plus que triomphe et abaissement. Tout le reste, nous le détruirons. Le passé est à jamais banni. Pourquoi ? Simplement parce que si l'on coupe l'homme de son passé, alors on peut le couper de sa famille, de ses enfants, des autres hommes. En 2038, ce qui reste de Grosboule-les-Bains, c'est une société intégralement atomisée où l'individualisme forcené est un nouveau fascisme. Pour finir, Jean-Claude et Monique sont aujourd'hui les deux plus vieux de la région, mais ce sont aussi deux mémoires vives à qui la résistance fait souvent appel pour comprendre certaines choses totalement oubliées. Et sois certain que Jean-Claude fait de son mieux lorsque les résistants lui posent des questions. Nous avons ici quelques archives qui couvrent l'époque de 1950 à l'an 2000. Il est évident que toutes vos informations nous sont très précieuses, les nôtres étant presque inexistantes. Par exemple, ça c'est Monsieur Staline, il était communiste, il m'emballait pas trop. J'aime pas les grosses moustaches, ça donne des mœurs un peu spéciales. Ça c'est Bela Lugosi, il a été le maire de New York un moment, mais ça l'a pas arrangé comme vous voyez. C'est Charles de Gaulle, oui. C'était vraiment un fameux chef français. Il présentait un show à la télé, il disait comment on fait les soufflés, les œufs au plat, très fort en cuisine. Et ça, alors là, sans la moindre hésitation, c'est la page centrale d'un magazine qui s'appelait Playboy. Mais on pourrait croire que, mais non, ces filles étaient une illusion, elles n'existaient pas, c'était tout simplement du caoutchouc, on soufflait dedans pour les gonfler ou pour autre chose, et ensuite, si on en avait envie, on pouvait les enduire de ce qu'on voulait. J'emporte ça, hein. Je vais étudier la question, je vous ferai un rapport détaillé. Bien. Après ce cauchemar futuriste, où Jean-Claude néanmoins ne renonce jamais au plaisir sexuel, il est temps dès à présent à 11h41, toujours en direct du Mangin Palace, de retrouver notre petit reportage Made in Panic, où, face à la monstruosité justement, il n'est rien de mieux sans doute que de faire appel à l'absurdité. Car ce matin, dans le dictionnaire imaginaire de Monsieur Julien Dugast, nous ne pouvions faire autrement pour cette dernière émission de la saison que de t'offrir la définition de ce mot que tu as entendu ici tous les dimanches matins, à savoir le « waketeux ». Ainsi, en compagnie de Monsieur Clément Rosset, éminent philosophe et fervent partisan de l'absurde, découvrons ensemble, juste après la virgule, ce que recèle en réalité ce délicieux vocable québécois, le « waketeux ». Avec les lettres W, Q, je forme le mot waketeux. Mais non, je ne connais pas du tout le waketeux et ça m'étonne beaucoup parce que j'ai passé deux années, il y a longtemps, à Montréal. Et j'étais dans toute la belle province et je pensais avoir vraiment bien pris l'accent, mais au bout de 40 ans, j'ai un peu perdu. Mais j'ai jamais entendu quelque chose sur waketeux. J'aurais pensé que c'est le nom d'un chef Sioux, si vous voulez, waketeux. Bah, le waketeux, c'est un animal aquatique nocturne, en tout cas. Ah bon ? Oui. Ah, alors je ne dis plus rien. Le waketeux est un animal aquatique nocturne. Je vous crois. Qu'est-ce que vous inspire l'absurde ? Parce que le waketeux, évidemment, c'est absurde. Qu'est-ce que vous inspire l'absurde ? Mais pourquoi est-ce que le waketeux est absurde ? Parce que le waketeux n'existe que dans l'esprit de ceux qui y croient et de ceux qui l'ont créé. Ah oui, c'est un peu comme le coco des Espagnols, qu'on menace de faire venir quand les enfants ne veulent pas dormir. Le coco va arriver, ça, le waketeux, c'est comme ça, un être imaginaire. Même pas imaginaire, un être qu'on ne peut même pas s'imaginer, enfin c'est une créature effrayante. Mais en fait, c'est assez drôle, effectivement. Et du reste, dans le cas du coco, qui est viennet, le coco, il y a une gravure très connue de Goya, où on voit des enfants qui sont terrorisés, et la bonne qui essaye de les fourrer sous ses jupes. Et qui est viennet, le texte dit qui est viennet, et le coco, le texte est souvent aussi important que la gravure elle-même chez Goya. Qui est viennet, le coco, le coco, attention, le coco va venir si tu ne dors pas. Mais le coco ne vient jamais puisqu'il n'existe pas. Le zèze est aussi un animal aquatique nocturne. Non, je vous crois. Il me semble qu'il y a une phrase de Shakespeare dans Macbeth très connue. C'est la phrase la plus connue de Shakespeare après « to be or not to be ». Et qui me semble vraiment, non pas expliquer, analyser, mais décrire simplement l'absurde. C'est ce fameux mot, ce que prononce Macbeth. Le monde est une histoire racontée par un idiot, pleine de bruit et de fureur, et qui n'a aucun sens. C'est pas mal, ça, c'est une certaine profondeur, il me semble. C'est une belle définition, ça. Ben, ça va tout même bien au-delà des ouvrages de 1000 pages qui expliquent que l'absurde, c'est trop de sens, l'absurde, c'est pas assez de sens. Le fifi partage son habitat naturel avec le waketeux. Oui, je vous crois. Mm. Il arrive même au fifu de se reproduire avec le zzz, ce qui donne des petits fifus. Ou les zuzifus. Il y a dans le sentiment une intuition qu'on peut avoir de l'absurde quelque chose qui va au-delà de toute définition possible. Et qui va aussi au-delà, me semble-t-il, de toute source d'affolement ou de tristesse ou de dépression. L'absurde, à la limite, l'absurde est rassurant. Enfin, je veux dire, un peu plus que c'est comme ça, il ne faut pas se fouler, quoi. Je veux dire, si vraiment l'histoire est le monde est une histoire racontée par un idiot qui n'a aucun sens, bon ben, il n'y a pas à se plaindre. Enfin, on est tous dans le même bateau. Et ça me paraît une pensée plutôt qui a un élément joyeux et qui se conjugue très bien avec une certaine joie de vivre, enfin, assez proche au fond, mais en génial, d'une de mes formules préférées, quoi que je ne l'ai jamais écrite, je crois, et qui est « Rassurez-vous, tout va mal ». Alors, quant à moi, je prends mes 3T et mes 3X, ce qui donne le mot « tic-tic-tic-tic-tic ». Pas l'animal aquatique nocturne. Oui. Oui. Oui, rassurez-vous, chers amis, tout va mal. Une pensée qui peut sans doute soulager certains d'entre nous qui ont l'esprit chagrin devant l'absurdité des propos de Raymond Domenech après la rouste mexicaine infligée jeudi dernier. Raymond, c'est une énorme déception. Ah oui. Tellement en boule, quand je vois ça. Ouais, c'est une vraie déception. C'est pour tous les gens, pour tous ceux qui croyaient que. Voilà. On s'est fait baiser comme des bleus. On s'est fait baiser comme des bleus. J'ai pas de mots. On s'est fait baiser. C'est plus que ça. Allez vous faire en. Non, je suis. J'ai pas de mots. Pour le moment, j'ai pas de mots. Je suis comme tous les gens qui étaient dans la tribune, le spectateur, comme tous les Français qui regardaient ça. Putain, mais qu'est-ce qui déconne chez toi? Je sais pas, il reste un match, mais bon. Il va falloir. Jouer au moins pour l'honneur. Bon, écrase, tu veux. J'ai rien à dire, voilà, c'est comme ça. Merci, Raymond. Dégagez-moi cet abruti. Alors, non. Alors, non. Alors, non. Qui dit études, dit travail. Qui dit taf, te dit les thunes. Qui dit argent, dit dépenses. Qui dit crédit, dit créance. Qui dit dette te dit huissier, lui dit assis dans la merde. Qui dit amour dit les gosses, dit toujours et dit divorce. Qui dit proche te dit deuil, car les problèmes ne viennent pas seuls. Qui dit crise te dit monde, dit famine, dit tiers monde. Et qui dit fatigue dit réveil, encore sourd de la veille. Alors on sort pour oublier tous les problèmes. Alors on danse. Alors on danse. Que c'est fini, car pire que ça, ce serait la mort. Quand tu crois enfin que tu t'en sors, quand y'en a plus, eh ben y'en a encore. Et cela zic ou les problèmes ou bien la musique. Ça te prend les tripes, ça te prend la tête. Et puis tu pries pour que ça s'arrête. Mais c'est ton corps, c'est pas le ciel. Alors tu te bouges plus les oreilles. Et là tu cries encore plus fort, mais ça persiste. Alors on chante. Alors on chante. Alors on chante. Alors on chante. Et puis seulement quand c'est fini, alors on danse. Alors on danse. Eh ben y'en a encore. Alors on danse. C'est le magnifique Stromae qui joue au maestro électro-brélien, un chanteur qui lui a su se faire connaître avec Maestria en à peine quelques mois. La compilation des chanteurs inconnus, pour la première fois, que des chanteurs pas connus du tout. Jean-Michel Contraire chante le contraire du monde est stone. Chardin, le monde est chardin. Eh bien, il est maintenant 11h50. Et nous retrouvons avec grand plaisir notre ami Xavier Mauduit, puisque la panique au Mangin Palace ouvre son petit kiosque à journaux sévèrement fourni. Allô Marcel. Ce que je reproche aux journaux, c'est de nous faire faire attention tous les jours à des choses insignifiantes, tandis que nous lisons 3 ou 4 fois dans notre vie les livres où il y a des choses essentielles. Mauduit, bonjour. Salut Colin. Alors, que nous offre la presse cette semaine, camarade ? Eh bien Philippe, nous l'avons tous constaté cette semaine, bon nombre d'articles de fond en première page des journaux, qui dans le vocabulaire de la presse s'appellent des « leaders », porte justement, et ça tombe bien, une grande attention à nos leaders. Et pour commencer cette semaine, fut une orgigolienne. Hein. Bon, c'est très bien, rien à redire. Il y a tout juste 70 ans, alors qu'un général glorieux refusait la défaite, un maréchal gâteux faisait don de sa personne à la France. Et Le Monde, daté de dimanche dernier, dans les pages Horizon Débat, nous propose une réflexion qui tombe à pic sur le don et indirectement sur la défaite. Il s'agit d'un papier de Carlo Ginzburg, éminent historien italien, figure de poupe de la micro-histoire, la micro-storia, ce courant historique des 70s, qui quitte l'étude des masses pour s'intéresser à l'individu et aux détails. Dans Le Monde, Carlo Ginzburg propose une lecture de l'essai sur le don que Marcel Mauss avait publié en 1925, avec, en introduction de cet article, une évocation de l'œuvre de Marc Bloch, historien médiéviste essentiel, qui s'était engagé dans la campagne de France en 1940 et surtout qui avait tiré un bouquin dont la lecture est aujourd'hui encore une gifle face à l'endormissement de l'esprit, L'étrange défaite. Dans ce livre, Marc Bloch cherche à comprendre la débandade française de 1940. Et il en vient à réfléchir sur le rôle des élites, cette petite bourgeoisie sclérosée qui ne pensait qu'à ses intérêts propres. Mmh. Bon, attention, ça c'était en 1940, hein. Marc Bloch a été assassiné 4 ans plus tard par les nazis, c'est du passé. Aujourd'hui, tout focalisé sur De Gaulle évite de réfléchir au rôle des élites en 40. Mais nos élites à nous ont rompu avec ce vice de reproduction sociale qui les maintient en place. Enfin, je crois. Hein, voilà. Bien, ouais. Mais on verra. Alors, Philippe, question élite. Oh, mais je vois dans votre regard rigolard que vous vous dites sans doute que je vais vous parler des révélations que nous offre cette semaine Le Canard Enchaîné. Mmh. Bon, c'est toutes les semaines d'ailleurs. Après le fiston de Roselyne Bachelot, fonctionnaire céramiste de la santé, après les retraites et salaires cumulés de plusieurs ministres, cette semaine, nous avons droit à la chambre d'hôtel hors de prix de Ramayad, qui avait pourtant critiqué l'auberge de jeunesse sud-africaine des joueurs de l'équipe de France de football. Mmh. C'est presque un gag. Hein. Mmh. Moi, je pense que c'est Paulus et Ouvrard qui sont chargés de la communication au gouvernement. Alors, Le Canard nous raconte aussi cette sombre histoire de fausses déclarations pour un permis de construire accordé au ministre Joyandet. Voilà. Ah oui. Oui. Il y a encore les 12 000... À Saint-Tropez. Non. Oui, non, bizarre. Les 12 000 euros de frais de cigare payés par le contribuable pour Christian Blanc, secrétaire d'État au Grand Paris. Ouais, 12 000 euros de cigare. Hein. Sincèrement, depuis Bill Clinton à la Maison Blanche, personne n'avait vu ça. Bon, tout ça forme sans doute une petite pierre à apporter à la construction des paradigmes pour les historiens qui cherchent à comprendre pourquoi, en France, le divorce entre le peuple et ses élites apparaît de manière récurrente. Bon, il faut dire, Philippe, qu'en ce moment, nos élites ne sont pas bien loties. Hein. Vous avez évidemment vu hier la une du quotidien sportif, oh l'équipe. Là là. Oui, à la pointe oh là de là. La com. À la pointe de la com, un peu. Ah, ils même, sont hein. très forts. Oui. Beaucoup vendu, l'équipe, et grâce à ça. Hein. Qui nous dévoile en grosses lettres les insultes proférées par Nicolas Anelka à Raymond Domenech. Oh, c'est vilain, hein. Oh là oh là, des gros mots. Des mots interdits en plus. Oui, interdits. En gros, Nicolas Anelka a dit à Raymond, va te faire en papaouté. Voilà. Voilà. Enfin, le mot réellement utilisé conduit à la porte en ce moment. Et d'ailleurs, Anelka a été exclu des Bleus. Ah, ensuite, le footballeur indispensable, hein, c'est bon, s'il marquait des buts, bon, il l'est pas, a rajouté « sale fils de A, toi aussi tu connais Zaya ». Des mots charmants donc, qui renforcent ce fossé entre cette nouvelle élite et le reste de la population. La vignette Panini est pleine de nostalgie Platini. Hein. Et oui, puis il faut jamais oublier que le football, c'est avant tout, à la base, l'ouvrier qui applaudissait l'ouvrier. On est un peu loin de tout ça. Voilà, très loin, très loin. Libération d'hier a d'ailleurs bien cerné les données du problème. Ce n'est pas tant l'échec de nos footballeurs qui pose vraiment souci. Hein. Les Français brocardent nos bleus à cause de leur arrogance et de leur individualisme. L'indécence de l'argent et la morgue des élites, footballistiques en l'occurrence, pour les autres ça marche aussi. C'est étrange, hein, mais ça fascine un moment. Et puis à la longue, ça rebute, ah oui, ouais, mal au centre. L'arrogance de leur petite cuisine interne et l'individualisme qui alimente leur gourmandise m'ont conduit vers le bimestriel Cuisine Gourmande, et oui, qui justement nous propose une recette comme une belle métaphore de nos élites, une sublime recette de coleslaw fruité au picalili. Vous savez, le coleslaw, cette préparation à base de choux. Je vous lis la recette, c'est page 62. Vous réhydratez vos raisins et vous grattez la carotte avec une grille à gros trous. Bon, ça, c'est Zaya, on a compris. Ensuite, vous mélangez tout ça dans un gros saladier, un énorme ghetto doré avec le picalili et une mayonnaise, histoire de faire comme nos élites. Chou gras de la crise. Voilà, un peu de vinaigre, une pincée de sel et Cuisine Gourmande nous offre en sus un petit conseil au moment de servir. Incorporer des herbes. Tous les vices, je vous dis. Car Philippe, nos élites en ce moment font chou blanc quand il s'agit de se faire aimer du peuple et nos leaders semblent vraiment bien dans les choux. Alors que, de mon point de vue, sans conteste, les meilleurs leaders, ce sont les leaders de chou bert. Merci beaucoup, monsieur Mauduit. Le kiosque referme ses portes. Voilà, fin du 210e épisode et dernier de la saison. Tout le monde descend, faites gaffe de ne rien avoir oublié. Panique au Mange un Palace, une émission coécrite les doigts dans la prise avec le professeur Mauduit, un ami précieux, fidèle à mes côtés depuis 5 ans. Et que je remercie très chaleureusement, merci Xavier. Au platine et à la réalisation, il y avait ce matin, lui aussi présent depuis 5 ans, le maestro H2M Henri-Marc Mutel. Merci beaucoup Marco, assisté aujourd'hui à la technique d'Éric Morin et de Guillaume Lacroux. Merci à vous deux ainsi qu'à tous les techniciens de France Inter. Pour la préparation des clips sonores, on dit merci beaucoup à notre Dream Team, Flora Bernard, Julien Dugast, Claire-Sophie Collet, Yvan Beaugelet et Elsa Denac. Pour les scuds, on a l'inépuisable Thierry Dupin. Merci aussi à Olivier Lefayère pour ses idées complémentaires et à Alice Robinet, notre stagiaire, ainsi qu'au documentaliste de l'INA. Et puis surtout, un immense merci à vous tous et toutes, si nombreux cette année encore au rendez-vous de nos élucubrations le dimanche matin, et nos deux déplacements à Marseille et Annecy sont de merveilleux souvenirs. Merci infiniment. Voilà, la journée continue sur France Inter. Après le flash, vous retrouvez Marie-Pierre Planchon et Sans Crumble. Allez, prenez soin de vous et sachez que nous serons sur l'antenne de France Inter tous les jours de 10h à 11h au mois de juillet pour produire une émission intitulée Les Persifleurs du Mal. Par ailleurs, nous nous retrouvons ici en septembre avec une rentrée pleine de surprises. Mais en attendant, d'ici là, passez un très bel été, chers amis, et un seul mot d'ordre. Surtout, surtout, ne lâchez rien. Ciao. On fait pas une deuxième prise. Comment ? Ah, c'était en direct ? Ah, je savais pas que c'était en direct.